Watch a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! It's down! Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, une émission qui cette semaine est grippée au total, n'est-ce pas Pierre-Luc? Bien sûr. Pierre-Luc qui me regarde, qui dit « je fais ma chronique, je m'en vais ». On est, disons, là c'est le temps de la grippe, semble-t-il. Ouais, je pense que c'est le moment de la grippe là, à l'UQTR. Il y a quelques semaines, c'était les allergies, là, c'est directement la grippe, donc... Et voilà. Les rois de la morve. Alors, cette semaine dans l'émission... C'est si bien dit, c'est si dégueulasse. Cette semaine dans l'émission, on va vous parler, bon, un peu de tout, là, comme d'habitude, des pattes. On va parler un petit peu du calendrier des Canadiens, on va parler d'hockey junior majeur. Si Philippe Doucet se pointe ce matin, on va parler soccer, et bien sûr, on va parler football avec JP Grenier, toujours au rendez-vous, comme à chaque semaine. Donc, allons-y avec les Patriotes, si ça te dérange pas, Pierre-Luc, on va tout y aller go. À tout de go, et en étant vraiment... à nos affaires. Donc, les Pats hommes. Tu sais, un peu, les Pats hommes, on avait eu un résultat intéressant la semaine dernière contre Montréal, où est-ce qu'on avait égalé la marque 1-1, une nulle intéressante. Ils affrontaient, ils disputaient plutôt deux matchs la semaine dernière, pas facile nécessairement, contre l'Université de Sherbrooke et contre l'UQAM, qui sont aussi quand même une bonne équipe. Ouais. Alors, vendredi contre Sherbrooke, très, très, très bon résultat. Ça s'est terminé 3-0. Pour les Patriotes, une victoire des gars Yannick Fournier, Verdran Fuster et Geoffroy Jouvin sont les marqueurs pour les Patriotes. La victoire va à l'affiche de Philippe Gendron, le gardien de but qui n'a tout simplement pas accordé justement de but. Et donc, blanche sage pour mon cher. Exactement, blanche sage. Dimanche dernier, contre l'UQAM, contre les citadins de l'UQAM, bon, je m'attendais peut-être au mieux une défaite, disons-le. Non, nul, 0-0, justement. Écoute, pas eu de but. C'était Vincent Guécoté qui était dans les filets pour les Pats. Donc, 0-0, un bon résultat encore. Ça va bien pour les Patriotes, disons-le. Au soccer, chez les hommes, c'est présentement leur fiche. Ils sont au quatrième rang. Ils ont une victoire, une défaite et deux matchs nuls pour un total de 5 points. Ils sont à 1 point de l'Université McGill, qui a toutefois un match en main sur l'équipe. Au deuxième rang vient Montréal avec 7 points, donc très facilement rattrapable. On sait, au soccer, les victoires valent pour 3 points. Et Laval, qui sont loin en avant, Laval qui a remporté aussi le championnat de la saison intérieure l'an dernier, donc qui ont 12 points. À l'arrière des Patriotes, c'est Sherbrooke, justement, l'équipe que les Pats ont vaincu, qui sont avec 3 points. UQAM et Concordia ferment la marche. Chez les femmes, par contre, ça ne va pas très bien, disons-le. Plutôt difficile du côté des filles. Plutôt, tu dis, ça va pas bien du tout. Deux défaites encore une fois cette semaine. Ils se sont inclinés vendredi par la marque de 4-0 face, bien sûr, à l'Université de Sherbrooke. La défaite va à l'affiche de Isabelle Sénécal, qui a accordé les 4 buts. Et finalement, c'est un dimanche au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Les Patriotes l'ont échappé encore une fois. Stéphanie Rousseau dans les filets qui a été crédité de la défaite. Un très bon crédit. Ouais, c'est plate un peu, mais c'est la vie. Ouais. 3-0. Écoute, les Patriotes sont bonne dernière plutôt au classement. Ils ont aucun point. Concordia et Bishop sont à l'avant 2. Ils ont tous les deux un point. C'est-à-dire que Bishop et Concordia ont disputé un match un contre l'autre, ont égalé. ce qui fait qu'ils ont un point. Par contre, les filles n'ont toujours pas compté de buts cette saison-ci en 4 matchs. Donc, 0 but pour 13 buts contre. Ça part plutôt mal. Ça part mal, même. Quand t'es pas capable de faire un filet, là. Ça regarde très mal pour le reste de la saison. On espère, j'imagine, on a hâte d'affronter Bishop et Concordia, aller chercher peut-être des points faciles. Ouais. Disons-le, si on l'emporte contre Bishop, si on l'emporte contre Concordia, ça peut être 6 points. Tout d'une shot, 6 points de comme ça. Ça fait qu'au classement final, tu te retrouves à égal, ben, tu te retrouves au 5e rang. Ça serait déjà pas mal plus acceptable. Donc, tu te classes pas pour les séries, je crois. C'est vraiment les 4 premiers. Je le sais pas. Tu m'as posé dans la tête. Ben, l'année passée, il me semble, je me rappelle, c'est les 4 premiers que c'était classé. D'après ma mémoire. Je pense que t'as raison. Écoute, si je me fie à l'horaire des sports étudiants du Québec, on met 4e position contre 1e position, 3e position contre 2e position. La saison est tellement pas longue aussi au soccer que. Chaque match est important. J'ai environ une dizaine, onzaine, ça se dit mal. Une onzaine de matchs. Donc, contre les équipes. La semaine prochaine, justement, ben, l'UQTR, les filles vont affronter McGill. Et dimanche, Bishop. Alors, enfin, Bishop. Je pense qu'on va être content. Par contre, McGill sont classés première. Donc, ça va être difficile aussi. On peut s'attendre à une défaite des filles. Chez les hommes, par contre, ben, ça va être la même chose. McGill, eux, sont classés troisième de leur classement. Par contre, les gars vont disputer qu'un seul match la semaine prochaine. Bishop n'ont pas d'équipe masculine de soccer. Donc, ce qui explique le pourquoi. La clé de la semaine, ben, on est dans le soccer, on va en parler tout de suite. C'est Geoffroy Jouvin, de l'équipe de soccer masculine, qui a inscrit le but gagnant dans la victoire de 3-0 contre Sherbrooke. Une excellente fin de semaine. Ce dernier débute un certificat en anglais. Allons maintenant au golf. Les équipes étaient disputées leur premier match. C'était au club de golf Le Milby de Sherbrooke. Les objectifs de début de saison pour les Pats, c'était 2-3e position, autant chez les hommes que chez les femmes. Les 3 premières positions, normalement, accèdent au championnat national pour que ce soit les hommes ou les femmes. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'équipes chez les hommes que chez les femmes. Donc, les meilleures performances chez les hommes ont été faites de la part de Frédéric Sirois, qui a été, écoute, plus 4, 2 rondes de 79 et 71. Ça allait très bien pour Sirois la deuxième journée. On se dirigeait vers le meilleur pointage de la fin de semaine. Par contre, un double bogey au 18e trou l'a relégué à l'arrière. Ça lui donne quand même la troisième meilleure carte de tout le tournoi. C'est excellent. Qui est bien. Bravo, Frédéric. Oui, bravo à lui. Pour un total de 150, à part de ça, on peut parler de Jonathan Saint-Pierre et Pascal Gardeau, et ainsi que Alexandre Charron, qui ont tous les trois remis des cartes de 162. Donc, le classement chez les hommes présentement. L'UQTR est en 5e position, devancé par Bishop qui ont seulement 2 coups d'avance et Sherbrooke qui ont 27 coups d'avance. Par contre, 27 coups, quand tu en joues à peu près 630 dans une fin de semaine, c'est rattrapable. C'est très rattrapable. En plus, le club de golf, le Milby, est situé à Sherbrooke. Donc, on avait l'avantage du terrain, on peut dire, pour ces deux universités-là. Ouais. C'est un petit peu plus facile. On connaît bien le terrain quand c'est chez nous. Exactement. La semaine prochaine, c'est au Victorien. Donc, pour les hommes, on est présentement 5e. L'entraîneur Louis-Pierre Godin me disait c'est une performance correcte, ça a plu, on s'attend à un petit peu plus des gars. Bon, ils ont été un petit peu nerveux vers le fil, en voyant le fil d'arrivée, ils sont tombés un petit peu nerveux, ce qui a fait qu'ils ont mal terminé leur ronde. Chez les femmes, maintenant, la meilleure performance est venue de la part de Stéphanie Monette, qui s'est classée 8e avec un 172, 2 rondes de 87 et 85. Et Audrey-Anne Comeau, qui s'est classée 10e avec un 174, c'est-à-dire 2 coups de plus que Mme Monette. Donc, chez les femmes, le classement final, on est 3e. C'est excellent. Wow. Par contre, l'UDM et Laval ont pas mal d'avance, disons-le. Là, on parle de 25 coups et 34 coups d'avance pour Laval. Des équipes, des programmes de golf qui ont beaucoup plus d'argent ici que les Patriotes. Par contre, je dois le dire, la motivation des filles au golf semble très bien. Je dirais pas capitaine parce qu'elle est pas officiellement, mais Audrey-Anne Comeau, ça semble pousser un peu les filles dans la bonne direction. On a un nouveau coach qui aussi, Louis-Pierre Godin, qui continue, qui arrive avec beaucoup de technique, beaucoup d'expérience. Lui, il joue sur le Canadian Tour, donc c'est comme la, comment dire? la PGA canadienne, ouais, là, si on veut. Là. Ouais. Donc, c'est que le calibre n'est pas le même que la PGA. Mais non, bien sûr, c'est sûr, c'est évident, mais ouais. Quand même, c'est un calibre qui est quand même meilleur que ce que je suis capable de faire comme golf. Que la plupart des gens. Disons-le, je ne suis pas excellent. T'es meilleur dans d'autres choses comme le hockey. Ouais, ou juste parler. Ouais. C'est ça, c'est plus ma force. Ouvrez ta grand gueule. Ouvrez ma grand gueule, comme tu dis si poliment. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut pour le golf. Maintenant, le hockey, on a commencé la cédule pré-saison du côté des Pats. Hockey, on a disputé deux matchs la fin de semaine passée contre l'Université Saint-Thomas, qui est à Fredericton. Une défaite de 6-2 le vendredi, suivie d'une victoire de 7-5. Le samedi. Bon, disons-le, on essaie des choses présentement chez les Patriotes. On a essayé surtout le vendredi, on a tenté des trios. Les trios, tu te rappelles de la combinaison Bellavance-Martin, Breton et Francis Charland qui a vraiment été le meilleur trio facilement de l'équipe l'an dernier. Ouais. On les a pas mis ensemble pour cette partie-là. Par contre, le samedi, on les a mis ensemble. Ça a paru. On a aussi mis ensemble Olivier Donovan au centre, Félix Petit et le nouveau Jeff Desjardins à l'aile. On a vu des étincelles de leur côté. Ça a été très bien. L'entraîneur Jacques Laporte a apprécié ce qu'il a vu de leur part. Donc, ça devrait rester comme ça jusqu'à temps qu'Alexandre Demers effectue son retour. On parle de début novembre. On va voir ce que ça donnait pour lui. Sinon, écoute, pour le reste, les Patriots jouaient hier soir, mais je vais être très, très, très honnête avec vous. Je n'ai aucune idée de quelle a été la marque finale. C'est à peu près impossible de trouver un pointage sur Internet ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas nouveau non plus, là, mais ça devrait rentrer dans les prochains jours. Les Pats jouent encore ce soir. Hier, c'était contre les X-Men de Kadia. Ce soir et demain, on affronte les X-Men. Bon, X-Men, c'est les hommes X, tout comme le film, là, comme la bande dessinée, devrais-je dire. Tandis que les X-Men, c'est les hommes avec des haches. Les bûcherons. Et voilà. Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriotes. On va à la musique. On va aller écouter un peu de Malajube avec la chanson Le Métronome. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Et c'était Marajub avec la chanson Le Métronome. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Vous voulez nous rejoindre en ondes, c'est simple, c'est le live commercial inconduitedepartie.com. Si vous voulez nous rejoindre, ben allez lire notre blog, tout ça, notre petit site internet au www.inconduitedepartie.com. Il est présentement 9h23 même, qui vient de tomber. Pierre-Luc. Hey, je te parle de ça. Écoute, la Ligue nationale a trouvé une nouvelle plateforme un peu pour mousser la rivalité. On sait que le combat Crosby, Ovechkin, Capitals, Pingouin, c'est probablement la chose qui est la plus qui est capable de vendre le plus de billets et le plus de visualisation, un peu de télévision, des codes d'écoute. Ouais. Donc, on s'est associé avec la populaire chaîne HBO aux États-Unis, qui est un peu comme super écran, si on veut, au Canada, si je me trompe pas. Au Canada, au Québec. C'est-à-dire qu'il y a une émission là-bas qui s'appelle 24/7, là, en anglais, c'est plus simple, là, 24/7, donc 24 heures, 7 jours semaine, qui va suivre les deux clubs en prévision de la classique hivernale de cet hiver qui va se jouer au Heinz Field à Pittsburgh. Le stade des Steelers des Steelers de Pittsburgh, disons là, de la Ligue nationale de football. On va suivre les activités des deux joueurs, des deux équipes surtout, peut-être faire connaître un peu plus. On le sait, Paul Ovechkin, Paul Crosby, les Américains connaissent pas nécessairement la majorité des joueurs des Pingouins et des Capitals, à part bien sûr dans leurs petits marchés respectifs de Pittsburgh et de Washington. Donc, faire vivre la rivalité là, partout à travers le Canada et les États-Unis. Je pense, ben, surtout les États-Unis. Là. Je pense que c'est un bon coup de la part des deux parce que Ovechkin est capable de donner le show. Bon, au niveau de ses agissements, ça, c'est pas nouveau. Mm. Crosby, non. Je veux dire, Crosby, je pense que c'est par son talent. C'est un gars qui est calme, qui a l'air plus focus. Totalement deux contraires, vraiment deux contraires, deux oppositions. Deux styles complètement différents. Je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Les gens qui sont motivés vont pouvoir suivre ça un petit peu sur... j'imagine que ça va être possible de télécharger ça illégalement sur Internet. Sur Internet, ça c'est certain. Illégalement. Donc, mais penses-tu que c'est une bonne idée d'arriver avec des choses comme ça pour essayer de faire connaître un petit peu plus avec les salaires aux États-Unis? Je pense que c'est une façon de faire mousser la rivalité, si on veut. Là. C'est sûr que tout le monde le sait, Ovechkin, Crosby, c'est une grosse compétition entre les deux. Puis je pense que le fait d'amener ça, je pense que ça va augmenter encore plus. Puis comme tu dis, ça va mener à la classique hivernale qui va opposer les deux équipes. Puis je pense que c'est excellent là, pour de préparer un match aussi important que celui-là. Là. Oui, c'était excellent. C'était très vrai ce que tu dis. C'est un peu comme la lutte. Tu te souviens de la lutte, t'avais tout le temps, mettons, Roger le Géant qui arrivait puis qui disait samedi soir, telle place, telle date, je vais te défaire la face, Puis là, t'avais l'autre qui arrivait, puis au gros événement, là, t'avais quoi d'intéressant. Tu payes pour WrestleMania, puis tu payes pour... Là, c'est le 1er janvier, la classique hivernale. Donc, à vrai dire, il va en avoir deux cette année. Il va avoir celle avec les Flames de Calgary et le Canadien de Montréal. Calgary. Les deux vont être joués le 1er janvier. Le 1er janvier, après l'autre. Oui. Ben, c'est que t'as un décalage horaire. Ouais. Entre Pittsburgh puis Calgary. Donc, il y a 2 heures de différence, si je ne me méprise pas, non? Oui, c'est bien ça. Fait va commencer, une partie va commencer, mettons, à 1 heure, puis l'autre va commencer à 2 heures, heure locale. De toute façon, il y a des spotlights, j'ai juste le mot en anglais, désolé, des réflecteurs qui vont pouvoir éclairer le terrain. Ouais. C'est pas nouveau, là, ça s'est fait, je ne sais pas si tu as vu, la première édition d'un match extérieur, c'était joué entre Michigan et Michigan State aux États-Unis. Ça s'était joué au Michigan State Stadium, il manque le nom, là, mais... Le stade de Michigan State, qui contient à peu près 72 000 personnes, ça s'était joué de soir. Donc, les réflecteurs, tout. La seule affaire qui était bizarre un peu, c'est que vu qu'il n'y avait pas encore de neige, c'était comme en octobre, novembre, là, à peu près, là, peut-être un petit peu plus tard, là, mais c'est que tu voyais le terrain. Tu voyais les lignes du terrain de football, tu voyais tout. Mais on le refait cette année, du côté de Michigan. Par contre, ça va être au stade des Wolverines. Okay. Qui est le Big House, qui est situé à Ann Arbor, qui peut contenir, bien pacté, 115 000 personnes. Ouch. Ouais. 115 000 personnes. Mmh. Ça fait du bruit pour un match de hockey. On parle de record mondial ici là, pour la plus grosse game, le plus gros match de hockey jamais disputé devant autant de personnes. Ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir ça. Mais en plus, Michigan, c'est mon université, surtout au football. Ouais. Là. Donc, je veux voir ça. Et dernière petite nouvelle aussi. L'ancien champion du monde, Ricky Hatton, boxe. On vient twitcher à la boxe, là. Il a vu son permis de boxeur. Il s'est fait suspendre son permis de boxeur, enlever son permis de boxeur. Ricky Hatton, écoute, un talent, mais pas de tête. Un talent, mais pas de tête, mais vraiment pas. Problème d'alcool, problème de drogue, problème de ci et de ça. Jamais été en forme pour un combat. Absolument pas, ou à peu près pas. Il a affronté, c'était un gars qui a été, écoute, je pense, 4 fois champion du monde, mais qui, malheureusement, s'est pas vraiment remis de sa défaite contre Manny Pacquiao en mai 2009. Depuis ce temps-là, écoute, il s'est fait prendre par des tabloïdes en train de prendre de la cocaïne, donc de photographier. On s'entend qu'il ne sniffait pas des roquettes là-dessus. Non, sûrement pas. Non, donc Ricky Hatton, c'est terminé, du moins pour l'instant. On parle d'une queue de désintoxication de 10 jours, puis d'autres choses. Ça va lui faire du bien. Ben, ça va lui faire du bien, ça va le relaxer, on s'entend, voilà. Parce que la drogue, c'est mal, la drogue. Et voilà. Donc, on va aller une pause. Petite pause. Au retour, on va avoir un petit peu de musique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire jouer. Je vais vous dire après la pause. Je suis quand même relax ce matin dans cette... Relativement. Ben, on est malades tous les deux. Ouais. On est grippés. Donc, c'est pour ça que notre voix est très moyenne. Ouais. C'est pas notre meilleure voix. Ah, c'est pas grave. On espère qu'on est quand même distrayant pour vous à la maison. Donc, on vous revient dans à peu près 5 petites minutes. De la scène émergente 89 nous insulte? Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Alors, c'était Mr. Valère avec la chanson Brandon Marlowe tirée de leur dernier CD, Golden Bombay. C'est premier au classement présentement au palmarès. C'est fou et je dois dire, ça sonne super bien le matin. Pas trop tough, pas trop smooth. Ça réveille juste bien. On est au téléphone présentement avec M. Jonathan Bernier de ruefrontenac.com. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, toi, Nicolas. Ben oui, ça va super bien. Écoute, Jonathan, tu vas nous parler un petit peu de... Quel entraînement du Canadien qui est débuté, comment apprécies-tu à date la performance des jeunes? Ben écoute, c'est sûr qu'on ne peut pas s'emballer trop rapidement avec un match seulement hors concours, mais j'ai quand même pris la peine de regarder ce que faisaient les futurs vedettes du Canadien finalement. En commençant par Louis Leblanc, évidemment, le dernier, c'est-à-dire le premier choix de 2009. Je dois dire que moi j'ai bien aimé la façon qu'il s'est comporté. Je trouve qu'il a pas eu l'air fou du tout. C'est sûr qu'il paraissait nerveux un peu au début là, mais il a démontré quand même une belle rapidité. Puis on a vu que sa vision du jeu est assez élargie là, capable de repérer ses coéquipiers assez facilement. Faut dire que moi aussi je serais un peu nerveux de disputer un premier match avec dans le bleu blanc rouge là. Ben évidemment devant 21 000 personnes, tu passes de quoi de 4 ou 5 000 personnes à l'auditorium de Verdun, tu tombes à 21 000 personnes, ça fait une bonne différence, je pense. Hein? Puis aussi, bon c'est ça, il essaie de pas s'impliquer, il y a une belle combativité, ce qui est un peu, moi je suis resté surpris parce qu'il pèse quand même seulement 178 livres. Mm-hmm. Il a pas hésité à se mesurer au gros Bruins dans les coins de patinoire, puis souvent même il réussit à sortir avec la rondelle. Donc je pense que on a eu plusieurs erreurs de premier choix là dans les quelques dernières années, mais je pense que là on a un bon. Ça devrait prendre des dernières années. Exact. Puis même chose aussi pour le premier choix du dernier encamp, là, Jared Tinordi. Gros bonhomme de 18 ans, c'est sûr que ça avait l'air d'aller un peu vite au début, là, même en fait pas mal tout le match là. Première passe imprécise aussi. Donc le jeu de transition c'est plus ardu, mais faut pas oublier que ce jeune-là arrive de l'équipe nationale des moins de 18 ans aux États-Unis. Donc c'est sûr que c'est une grosse coche pour lui, mais je suis confiant que d'ici quelques années, là, on devrait le voir dans l'uniforme du Canadien, d'autant plus que c'est pas les gros défenseurs de son gabarit sont pas légion chez le Canadien. Là, on a Ryan O'Byrne, mais c'est plus ou moins convaincant. Penses-tu que d'évoluer dans la Ligue d'Ontario avec les Knights de London et Fremantle, ça va l'aider à se développer? Moi, je pense que oui. Écoute, les Knights de London, c'est une bonne école. Là. On a juste à penser aux joueurs qui ont formé dernièrement, dans les dernières années, là, Corey Perry, Sam Gagné. Sagi Costitine. Oui, Sagi Costitine. Ben, écoute, on peut toujours en échapper un. Hein, des fois, dans une famille de 4-5 enfants, là, t'en échappes un. Bon, ben, c'est le cas pour les Knights de London avec le beau Serge. Exactement. À part de ça, dans les autres joueurs, qui est-ce que tu as remarqué? Ben j'ai remarqué, il y a Aaron Paluchai, mais lui, c'était quand tu joues avec Camilleri puis Plekanec là pour ton premier match, disons que ça donne un bon coup de pouce là, mais j'ai bien aimé sa combativité et sa rapidité aussi là, un peu dans le style de Leblanc là, malgré tout. Je veux pas trop m'emballer non plus avec lui là. On l'a eu contre Matt D'Agostini, je veux dire, ça peut pas être pire que c'est vraiment. Là. Ça peut pas être pire, mais en même temps, c'est ça. T'sais, moi, la première fois que j'ai vu D'Agostini, il était venu jouer au Centre Bell avec les Bulldogs il y a 3 ans, je pense. OK. Puis, moi, j'étais tombé en amour avec lui. Je trouvais qu'il avait une façon de rentrer hors l'aile, puis déborder les défenseurs. C'était incroyable. Puis même à ses premiers matchs avec le Canadien, il avait l'air à vouloir s'aligner de la même façon. Puis finalement, bon, ça s'est avéré être... juste passager dans un feu de paille. Ouais. Un autre gars que j'ai regardé en fait là, vous le connaissez un peu plus dans le coin de Trois-Rivières, oui. Frédéric Saint-Denis qui a joué avec l'UQTR là, en 2007-2008 exactement. Après ses 5 ans à Drummondville, lui j'ai même pris la peine de le rencontrer après le match, étant donné que son histoire est un peu différente de celle des autres là. Habituellement ils passent toutes là du junior, sont repêchés, vont dans la Ligue américaine après ou dans la East Coast puis ils reviennent faire quelques essais dans la Ligue nationale, alors que dans son cas, il a été ignoré, comme vous savez, par les équipes de la Ligue nationale. Donc, il a fait un petit détour par Trois-Rivières. Les études, c'est jamais mauvais. Non. Et puis, finalement, après quelques détours, là, il est allé à Cincinnati, a été rappelé à Hamilton l'an dernier. Bon, il participe à son premier match hors concours mercredi. Puis, évidemment... lui aussi, ça a été un peu difficile, un peu à l'image de toutes les brigades défensives du Canadien mercredi. Mais c'est pardonnable là, dans son cas. Juste son histoire, là, c'est quand même une belle histoire. De se rendre là. T'sais, les gars qui ont fait du hockey universitaire, c'est plutôt rare qu'ils atteignent la Ligue nationale. Dans le camp du Canadien, il y en a trois présentement. Il y a Mathieu Darche, Frédéric Saint-Denis et puis David Urquhart qui était à McGill aussi comme Darche. Donc c'est ça, je l'ai rencontré. Il a avoué lui-même qu'il trouvait que ça passait vite par moment. Malgré tout, il était heureux de sa performance, de sa première expérience avec le Canadien. Puis étant donné qu'il a passé, qu'il a fait un petit détour, comme je disais, par l'UQTR, là, puis c'est toujours un peu ardu à ce moment-là, bien, il a eu une petite pensée pour son cheminement, de son cheminement particulier. Je pense qu'on peut peut-être même l'entendre. Moi, je trouve que c'est plus rapide et plus physique un peu que la game américaine. Les joueurs sont plus intelligents. Je voyais des gars comme Bergeron, des gars qui sont patients sur la glace aussi, puis ils contrôlent le jeu. Là, donc, il fallait que je m'habitue un peu en début de match. Après ça, je pense que ça a bien été. Je me suis bien ajusté, tombé sur le cul une couple de fois, puis les passes n'étaient pas trop sa balade. Donc, après ça, je me suis saisi. Je me suis dit, OK, wow, on se concentre, puis on fait comme d'habitude, puis ça va bien aller. À quoi t'as pensé quand t'as embarqué sur la glace? As-tu pensé à tes années, justement, à ton cheminement qui était plus long que la normale? Oui, c'est sûr. C'était bon aboutissement. Là, je pense que j'ai travaillé tellement fort pour avoir au moins un match en concours, deux matchs en concours. Je ne sais pas combien qu'on va en avoir. Puis peut-être un jour au Ligue nationale. Donc c'est sûr que ça m'a fait ça faisait un petit quelque chose quand je savais que ça allait, ça c'est sûr. C'est ça, mais je savais pas trop où aller non plus. Là. Je voulais essayer le côté universitaire. Et j'avais pas d'offre qui m'intéressait pendant ce temps-là. Donc j'ai choisi les jeux universitaires. Je regrette rien. J'ai passé une belle année universitaire aussi. Ça m'a aidé beaucoup. Puis là, je suis juste content d'être ici en ce moment et de vivre ces émotions ici. En effet, vivre ces émotions-là, des belles émotions de la part de Frédéric Saint-Denis de se rendre là. Ben oui, c'est ça. Ben en plus, là, devant famille et amis, là, c'est un petit cadeau. Je pense que l'organisation a pu lui faire. Là. Il va avoir droit à un deuxième match hors concours? Moi, je pense que oui. Écoute, là, le Canadien est dans une séquence de 5 matchs en 6 soirs. Ils ont eu congé hier, mais là, en fait, là, ça commence ce soir. Ça commence ce soir, les 4 soirs en ligne. Donc, je ne serais pas surpris de le voir, demain peut-être à Ottawa avant de redescendre à Hamilton. Ça devrait, les prochaines coupures devraient avoir lieu lundi parce que Hamilton, le camp commence mardi. Donc, à partir de mardi, on devrait avoir, je dirais pas l'équipe complétée, là, mais Jacques Martin devrait être à peut-être 3-4 joueurs là, d'avoir son personnel en place. Parle-nous donc de la partie de ce soir contre les Sénateurs. Qui tu penses, qui t'a hâte de voir, qui va être un facteur dans ce match? Ben écoute, moi c'est sûr que, étant donné que l'histoire de l'échange de Rassi Lavalac a fait couler beaucoup d'encre cet été, moi j'ai hâte de voir à l'œuvre Lars Eller, de qui on a dit beaucoup de bien. Là. Écoute, évidemment, nous autres, on l'a vu évoluer seulement en match intra-équipe, même en plus, mais il a été blessé là, pendant quelques jours, pendant le camp d'entraînement. Donc, ce soir, M. Heller va avoir toutes les chances de son côté parce qu'il va jouer avec Scott Gomez et Brian Junta. Ça commence bien pour la mettre sur la palette. Là. Exact, mais c'est ça. Étant donné que le tollé provoqué par l'échange de Halak, je pense que l'organisation du Canadien va s'arranger pour lui donner tous les atouts possibles pour se faire valoir. D'autant plus que Jacques Martin hier a indiqué qu'il y avait deux postes de libre sur les deux premiers trios. C'est un message direct à Benoît Pouliot, ça. Là. Benoît Pouliot et André Costitine, je pense que ça s'adressait pas mal à eux. Puis en même temps aussi, il y a peut-être Max Pacioretty qui pourrait saisir sa chance là, dans cette valse des trios-là. Écoute, lui a pris une dizaine de livres cet été. Il a eu l'air arrivé un peu plus près que l'an dernier. Là, l'an dernier, il était blessé à l'épaule. Ça semble être complètement rétabli. Donc, ça pourrait être une chance pour lui de se trouver un poste là, régulier au sein de l'équipe. Autre j'ai un autre recrue à surveiller ce soir, là, un autre joueur qui a passé dans le centre du Québec, là, Danny Massé. Avec Drummondville. Ancien des Voltigeurs. C'est un autre un peu... sans dire qu'il a fait le même cheminement que Frédéric Saint-Denis, il arrive quand même de loin, dans le sens où bon, il n'a pas été repêché, mais malgré tout, il a reçu une invitation l'an dernier pour le camp du Canadien. Camp auquel il n'a pas pu participer, étant donné qu'il s'était blessé au genou en finale contre les Cataractes. Donc, cette année, il a participé à son premier camp d'entraînement, puis une fois de plus, il a été malchanceux, il a été blessé, on dit, au haut du corps, là, au début du camp d'entraînement. Okay. La fameuse blessure au haut du corps. La fameuse blessure au haut du corps, c'est rendu qu'on les a même dans les camps d'entraînement. Avant, c'était en série. Après ça, bon, c'est devenu à la fin de la saison. Puis maintenant, là, c'est à longueur d'année. Donc, c'est un peu difficile là, de savoir ce qu'il y avait exactement. Mais bon, en tout cas, ce soir sera en uniforme. Il n'y aura pas la même chance que Lars Eller. Là. Il va être accompagné de James Wyman et Andreas Enquist sur le quatrième trio. Mais quand même... je pense qu'à l'instar de Saint-Denis et des autres Québécois, là, de le faire jouer à Montréal, là, c'est une belle récompense. À part de ça, en terminant, peux-tu juste me résumer les matchs à venir pour le Canadien dans les prochains jours? Oui, bon, ce soir, évidemment, là, le Canadien reçoit Ottawa. Demain, le Canadien va jouer à Ottawa. Ensuite, on tombe au 26, c'est le Wild du Minnesota qui va être en ville. Et finalement, le lendemain, ça va être au tour des Panthers de s'emmener au Centre Bell. Après ça, le Canadien, bon, comme je disais, il va avoir quelques coupures et le Canadien va quitter pour Québec où il va jouer contre les Sabres en premier au Centre Bell et ensuite s'en va à Québec où il va jouer contre les Islanders pour ensuite compléter le camp d'entraînement dans la région de Charlevoix. Ben, c'est bon ça. Je te remercie beaucoup, Jonathan. Ben, il n'y a pas de problème. Passez une belle journée. Merci, bye-bye. C'était Jonathan Bernier de chez ruefrontenac.com, le site des locataires du Journal de Montréal. On va à la musique, on va aller écouter Le Bureau du médecin des Trois Accords. Et au retour, ça va être Pierre-Luc Giroux qui va vous faire sa chronique de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Fais-moi penser à rien. Si sort en pleurant du bureau du médecin. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. C'est fou, c'est comme, comme faire une course avec un nain. Nain, c'est sûr de gagner. À l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Et on rejoint maintenant, on accueille présentement en studio, juste pour lui dire un petit bonjour, monsieur Fidoussa, ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Comment s'est passé ton matin? Sous la pluie. Oui, à travailler pour l'université, à accueillir les gens qui font une journée d'information pour les conseillers en orientation, les API, puis tout ça. Ouais. Donc, sous la pluie, pour les indiquer où était le stationnement. Donc, tu es vêtu d'un très, très beau gilet orange. Je suis vêtu d'un magnifique gilet orange. Donc, si vous me voyez, ne me saluez pas. Je risque de vous sauter à la gorge. Il ouais. manque juste ton nom de non, mais je l'ai sur une petite cue card. Là. Ah, OK. Ouais. En tout cas, bien de même, je t'amène à la chasse. Yes, sir. On y va avec le gilet majeur. Puis, Luc, parle-nous de ce qui s'est passé comme activité cette semaine. Yes, on parle tout d'abord des Cataractes de Shawinigan la semaine dernière. Vendredi passé, ils jouaient leur premier match, le match inaugural, le premier match à domicile. C'est toujours un happening, un premier match à domicile. Et les Cataractes l'ont fait de belle façon en l'emportant par la marque de 5-2 sur les Foreurs de Val-d'Or. Donc, en première période, je pense que c'est dans cette période-là que tout s'est joué. Les Cataractes ont compté 4 buts d'affilée. Tout d'abord avec Maximilien Le Sieur, Raphaël Pouliot, Joe Dubé et Yannick Veilleux. Donc, après une période, c'était déjà 4-0 pour les Cataractes. Les Foreurs ont tenté de remonter la pente. 2 buts en deuxième période. C'est Anton Zurgev et Sean Martin Boutin qui ont chacun compté un but pour faire 4-2 dans la marque. Et finalement, les Cataractes sont venus clouer le cercueil en troisième période. Un cinquième but, c'est la part de Danny Potvin. Donc, les Cataractes l'ont emporté 5-2 dans la victoire. Première étoile du match, Raphaël Pouliot, un but très important, le deuxième but du match, donc qui est en quelque sorte le but égalisateur. Et en première période, a eu une excellente bataille. Je pense que c'est ça qui a donné le ton au match contre Carl Tatonetti. Lâche pas, tu vas Tatonetti, c'est ça. Donc, Raphaël Pouliot, je pense que c'est pour ça qu'il méritait la première étoile. Je pense qu'il a donné le ton au match là, avec une grosse bataille en première période. Ben, on sait que Pouliot est un joueur d'énergie, capable de fournir très un robuste, peu, mais très robuste. Plus là pour ses épaules et plus là pour ses épaules que son agilité avec son bâton. Donc, quand t'es capable de fournir autant au niveau robustesse qu'au niveau sur la carte des cartes de pointage, c'est encore mieux pour lui. Ouais, c'est la clé du succès, comme on dit. Donc, le lendemain, on reprenait ça du côté des Cataractes. On était toujours au centre Bionès. On recevait la visite, cette fois, des Huskies de Rouyn-Noranda. Les Huskies de Rouyn-Noranda, cette fois-ci, qui l'ont emporté sur les Cataractes de Shawinigan par la marque de 3-1. Première période. Encore une fois, le match s'est joué en première période. Les deux matchs, je pense que des Cataractes ont été joués de cette façon. Donc, première période, les Huskies de Rouyn-Noranda ont compté Tour à tour, deux buts d'Alexandre Beauregard et de Jessico Bernard. On a Jessica, on a Jessie, on est rendu avec Jessico. Jessico? Ouais, Jessico Bernard. Donc, 2-0 pour les Huskies après une période. Finalement, Yannick Veilleux vient creuser l'écart à un but en deuxième période. Mais c'est au tour de Jérémy Janto de venir déjouer le gardien Alex Dubois des Cataractes de Shawinigan. Donc, ce n'était pas Gabriel Girard qui était d'office pour ce match. C'était Alex Dubois. Il l'a très, très bien fait dans le match, ayant récolté un total de 29 arrêts. Donc, excellent premier match là, pour le jeune Alex Dubois. 16 ans seulement. C'est gars du futur pour les Cataractes. Et c'est certain. Donc, Dubois jouait un excellent match. Troisième étoile dans le match. La première étoile du match, Jérôme Raymond, qui a deux passes dans la victoire des Huskies de Rouyn-Noranda, et Alexandre Beauregard, un but, une passe. Donc, les Huskies qui l'ont apporté par la marque de 3-1, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, les Cataractes de Shawinigan, après cette défaite, sont maintenant avec un total de 2 victoires et 2 défaites. Donc, une fiche de 500. Donc, fiche de 500 pour eux. C'est excellent quand même là, pour une équipe qui va être dans la moyenne, je te dirais, cette année, qui va essayer de suivre le peloton. Donc, un total de 4 points. On est quand même deuxième dans la section Ouest, malgré là, cette fiche de 500-là. Ouais. La section TELUS Ouest est un petit peu plus faible cette année. Ben, pour l'instant, je dirais, parce que mec, le junior de Montréal se mettra en marche et peut-être les Olympiques de Gatineau, ça pourrait être différent du côté des Cataractes. Mais pour l'instant, on est deuxième de la section à égalité avec les Foreurs de Val-d'Or, donc au troisième rang. Et voilà, donc ce soir, les Cataractes reçoivent la visite de l'Océanique de Rimouski. C'est toujours au Centre Bien-Est. Donc, on devra avoir là, du très bon hockey ce soir. On parle du retour de Peter Straka pour l'Océanique. Oui, donc qui je pense que ça devrait de paraître. Et voilà. Ça va paraître. Félix François aussi qui va être probablement de la partie. Donc ensuite, je sais pas, ta prévision pour la partie de ce soir, comment tu vois ça? Ben moi, j'entrevois probablement là, une défaite du côté des Cataractes. C'est plate à dire, mais je pense que le retour d'un gros joueur comme Straka, comme tu l'as dit plus tôt, va probablement réveiller là, la troupe de Clément Jaudouin. Quoi que des donc, fois, ça prend 2-3 matchs avant de descendre de son nuage, là, puis descendre, savoir que c'est fini l'avion, puis tu retournes dans le ouais, bus, c'est ça. Ça fait des gros voyages, c'est sûr que c'est pas pareil. Dormir sur le plancher. Ouais. Petite nouvelle encore une fois du côté des Cataractes de Shawinigan, on a embauché le médaillé olympique Éric Bédard. Je sais pas si t'avais vu ça, Nicolas. Non, j'ai pas vu ça. Donc, le médaillé olympique Éric Bédard, je pense que c'est aux Jeux de Vancouver. Non, Éric Bédard, ça date plus de Turin. Je sais pas, Phil, si tu peux nous aider là-dessus. Éric Bédard, Turin, ou du moins probablement Salt Lake City. Éric Bédard en patinage de vitesse, ouais. Probablement. Ben, il y a des bonnes chances, ouais. Oui, en effet. Éric Bédard, c'est en patinage de vitesse. OK, donc c'est engagé maintenant entraîneur du power skating. Donc, à moins que ce soit le lanceur, mais... Je penserais pas, non. Non, mais ça aurait pu être n'importe quoi, je vois pas pourquoi. Tu sais, pour l'équipe de Balmol l'été, là, ça pourrait être Éric Bédard le lanceur, je sais pas. Ah ouais, on sait jamais. Non. Donc, je suis engagé jusqu'en janvier comme entraîneur de power skating. C'est ça, cet été, il a d'ailleurs travaillé là, avec Vincent Lecavalier. Donc, encore là, je pense que si une bonne expérience. Pas, si je me trompe pas, Bédard était entraîneur aussi pour l'équipe allemande. De patinage de vitesse sur courte piste. Exactement, oui. De 2008 à 2010. Puis là, il est rendu avec l'équipe de l'Italie. Bon. Et voilà. C'est bon. Très bonne information. Donc, on continue notre petit tour tour de piste dans la LHJMQ. Donc, l'Éthique de Victoriaville qui recevait vendredi soir la visite des Voltigeurs de Drummondville. C'était aussi le premier match à domicile pour l'Éthique de Victoriaville. Donc, en première période, les Voltigeurs ont pris les devants 1-0 sur un but de Marc-Olivier Vachon, assisté de Lars Lundin et de Jean-Philippe Mathieu. En deuxième période, on prend l'avance 2-0 cette fois pour les Voltigeurs. C'est André Pala qui a donné un deuxième but aux Voltigeurs de Drummondville. Et finalement, les Tigres sont venus creuser l'écart à un but sur un but de Frédéric Tanguay. Donc, c'était et ça se termine de cette façon. Donc, victoire des Voltigeurs 2-1. Les Voltigeurs qui étaient à ce moment toujours invaincus. Ils le sont encore, d'ailleurs, avec leur quatrième victoire. On va en parler plus tard. Je te dirais que la grande vedette du match, c'est Guillaume Nadeau, et Antonio Mastropietro. Donc, c'est vraiment du côté des gardiens de but que ça a très bien été. 42 arrêts pour le gardien de but des Tigres de Victoriaville, Antonio Mastropietro. Et Guillaume Nadeau, de son côté, là, a accumulé 28 arrêts. C'est les deux grandes étoiles du match. Pour un, quand même, là, avec le nombre de tirs, seulement 2 à 1. Je pense que les gardiens de but ont très, très bien fait. En effet. Ensuite de ça, les Tigres de Victoriaville recevaient la visite des Drakkars de Bécomo. Ça s'est passé dimanche du côté du Colisée Desjardins. Les Tigres de Victoriaville ont rapidement pris l'avance en première période 3-0 sur des buts de Brandon Hines deux fois et Philippe Maillet. Donc ça donnait l'avance 3-0 pour les Tigres de Victoriaville. On s'en va en deuxième période. L'éthique de Victoriaville qui en rajoute encore une fois deux autres buts. Cette fois, c'est Philippe-Michaël DeVos et François Godin qui ont déjoué le gardien de but des Drakkars, Alexandre Alain Rajotte. Donc, c'était 5-0 pour l'éthique de Victoriaville à ce moment. On a changé de gardien de but du côté du Drakkars de Bécomo. On est allé avec Simon Giroux pour remplacer Alexandre Alain Rajotte. Donc, mais ça s'est continué. Quand même, les Drakkars de Bécomo qui ont creusé l'écart avec deux buts sur un but d'un ancien des Cataractes, justement, Pierre-Éric Martel, et le deuxième but de Marc-Olivier Mimard. C'était 5-2 à ce moment. Et finalement, Philippe Maillet est venu rajouter un dernier but. Donc, victoire de 6-2 des Tigres de Victoriaville. Du côté des Tigres, c'était le deuxième gardien de but, David Onzik, qui était d'office pour ce match. Quand même 32 arrêts là, pour le jeune Onzik. Donc, ça a très bien été de son côté. Ça a été un match très, très robuste. Okay. On a eu droit à trois bagarres pendant le match. Donc, ça l'a quand même brassé. On a eu beaucoup de pénalités aussi, surtout du côté des Tigres de Victoriaville. Mais le nombre de bagarres sera vraiment augmenté à date depuis le début de la saison. Je pense que ça va s'améliorant parce que l'année passée, on s'entend que c'était dans le... Une par quatre games. C'est ça. Je pense qu'on est en train de trouver notre moyenne qu'on avait là avant que Madame Courchaine capote, comme on dit. Donc, on est en train de... Je pense que ça va revenir un petit peu plus sur la robustesse dans les matchs du côté du hockey junior majeur. Dernier match qui restait, c'était celui de Drummondville face aux Jean de Montréal. Donc, les Victor Voltigeurs de Drummondville qui avaient une grosse commande en jouant contre le junior de Montréal. Mais Louis Leblanc aussi n'était pas présent pour ce match. Lui qui était au camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Donc, les Voltigeurs de Drummondville qui ont commencé le match avec deux buts rapidement de Julien Tremblay et de Marc-Olivier Vachon. C'est 2-0 à ce moment pour les Voltigeurs de Drummondville. Denis Kendall du Junior de Montréal est venu creuser l'écart à 2-1. Finalement, en deuxième période, le Junior de Montréal enchaîne deux buts d'affilée pour prendre les devants par la marque de 3-2 pour le Junior. Encore une fois, c'est Denis Kendall et Michael Clark qui sont les buteurs. Donc, c'était 3-2 pour le Junior de Montréal. En troisième période, les Voltigeurs de Drummondville ont réussi à venir niveler la marque en fin de match. C'est le grand Sean Couturier qui est venu déjouer le gardien de but, William Racicot. Donc, à ce moment, c'était 3-3. On était à la prolongation. Et devinez qui est venu donner la victoire aux Voltigeurs de Drummondville. Ben, j'irai avec Sean Couturier. Encore une fois, la bonne réponse. Donc, c'est un but en avantage numérique de Sean Couturier qui est venu donner la victoire des Voltigeurs de Drummondville. C'était Dominique Graham qui était d'office pour le match, le deuxième gardien de but. Des Voltigeurs seulement n'a pas été très, très occupé dans le match avec un total de 19 tirs. Donc, Voltigeurs de Drummondville, eux, se trouvent au premier rang de la section TELUS Ouest. C'est les seuls, donc, avec 4 victoires en 4 matchs. C'est les seuls à être invaincus encore en ce moment avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Oui, m'aurais dit que les Drummondville seraient premiers au classement après 4 matchs, puis je pense que je l'aurais pas cru. Surtout qu'on a seulement accordé ce but du côté des Voltigeurs. Ouais. Ben, je pense que après 4 matchs, je l'aurais peut-être cru, mais après 68, là, j'ai hâte de voir. Ça va être rendu quoi, mais je pense que les Voltigeurs ont quand même un très bon noyau de joueurs là, de l'an passé qui revient. On passait au début de la saison, peut-être que les Voltigeurs allaient en arracher. Ouais, c'est sûr qu'on a été habitué d'avoir deux grosses saisons là, dans les années dernières, mais je pense que les Voltigeurs ont quand même un très bon noyau et ont quand même la superstar de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On le regarde encore dans ce match contre le Junior de Montréal. Si M. Couturier n'aurait pas été présent, ça aurait été très, très différent. Donc, c'est intéressant de voir que Drummondville ne retournera pas à ses années de vache maigre comme il y a 4 et 3 ans avant de qu'il passe du dernier rang de la Ligue au premier rang de la Ligue. Là. Ça, c'est sûr. C'est, fun, c'est le fun pour les gens de Drummondville qui appuient de plus en plus leur équipe malgré... Même ils ont recommencé à appuyer l'équipe quand ça allait mal. T'sais, c'est pas de l'année que le club pacté n'était pas pacté, mais qu'on avait le bon club. Là. Ça a recommencé avant. C'est donc, je suis content vraiment la venue de Guillaume Latendresse. Je pense qu'il a changé un petit peu quelque chose. Tu penses? Oui, je pense qu'à ce moment-là... Brassard aussi? Ouais, Brassard peut-être plus, j'ai l'impression. Plus Brassard que Latendresse. Mais okay. Moi, je trouve que notre junior, il était plus plus flamboyant. Il était meilleur, mais le fait que Latendresse était un produit appartenant aux Canadiens faisait que les gens... Mais on a fait surtout des gros efforts de marketing du côté de Drummondville. On a compris qu'on était rendu au 20e siècle, puis le bouche-à-oreille, ça ne marchait plus, c'était pas assez, puis on pouvait plus se fier seulement. Il y a trop de... Pour les jeunes, il y a trop d'opportunités maintenant avec le Xbox, trop de concurrence, trop le Xbox, Internet, la disco le vendredi soir pour seulement espérer avoir une performance au guichet de la part de... pour espérer que ça aille bien au guichet. Parfait. Donc, c'est ce qui résume pas mal les actualités. Les trois étoiles cette semaine. Jonathan Audi Marchessault, la première étoile. Donc, 8 points en 2 matchs. Lui qui a accumulé... dont 6 points, dont 2 buts, 5 passes contre les Maniacs de Lewiston. Ça, c'était dans la victoire des Remparts de Québec, 12-3 cette fois contre Lewiston. Donc, c'est ça, la deuxième étoile, le défenseur Hugo Laporte des Olympiques de Gatineau, 1 but, 4 passes en 2 matchs. Et la troisième étoile, Brent Andrews des Mousses d'Halifax, lui qui a accumulé 5 buts dans un match. Donc, dans 5 buts, il est devenu le premier joueur des Mousses à inscrire au moins 4 buts. Et ça, c'est dans les 10 dernières années. Donc, il doit aussi être le premier à en avoir fait 5. Non, il en a fait 5 en 2 matchs. OK, donc, en 2 matchs. Donc, ensuite de ça, Guy Carbonneau, dernière petite nouvelle, Guy Carbonneau, finalement, qui devra remplacer là, Gervais Mongeur dans la fonction de gouverneur là, chez les Saguenayens de Chicoutimi. Ouais. Donc, c'est d'une tristesse, cette histoire-là. Oui, c'est très triste. Quelqu'un d'impliqué comme ça dans la communauté qui disparaît aussi rapidement, c'est dommage. Des philanthropes comme ça, on n'en voit pas. On n'en voit pas une tonne au Québec. C'est dommage qu'il y en ait un qui part comme ça aussi subitement. Donc, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Ça fait plaisir. Ça va, musique. On va aller écouter Xavier Caffeine avec la chanson La Lune. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Shut up. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Et c'était Xavier Caffeine avec la chanson « La Lune ». On parle maintenant avec Philippe Doucet de soccer, de foot. Ben soit... oui, on parle de foot. Vas-y. Ce matin, mais juste avant, je voulais te remercier pour cette merveilleuse petite intro à la Serge Vlemings qui commentait un birthday de Carl Carmoni. Combien? Les gens riaient du mini-pot, OK? Mais combien de commentateurs peuvent se vanter d'avoir créé quelque chose comme ça? D'avoir, tu sais, t'as Roger Brulotte. Puis à part de ça, t'as Serge Vlemings. Bonsoir, elle est partie, puis Birdie. Birdie. C'est tout. C'est les deux seuls au Québec que je peux voir. Ouais. Si René Lecavalier a refait au complet le vocabulaire sur le hockey dans la section des one-liners, je vais dire en anglais, des innings, Roger, puis Serge Vlemings, c'est les deux meilleurs. On a beau trouver que Martin McGuire s'exprime très bien à la radio, puis quand il crie son « et le but », c'est magnifique, mais ça reste un « c'est et le but ». Oui, tu sais, c'est pas un punchline. Tandis que ça, c'était redéfinir au complet un sport que... jamais on aurait même cru voir tu sais à la télé. Carl Carmoni était présent au tournoi de Shawinigan cet été. J'ai manqué ça. Eh oui. Et pourtant, j'en ai même fait la promotion sur Facebook. Ouais, Barclay League. Toi puis Facebook. Ouais, c'est une histoire. une histoire d'amour. Ben oui. Barclay League. Il y avait des matchs samedi et dimanche dernier, comme je vous en avais parlé. En fait, rien de vraiment extravagant. Il y a Tottenham qui a battu les Wanderers 3-1. Sinon, West Brom a battu Birmingham 3-1 dans un bon match. Arsenal a fait match nul contre Sunderland. Ça, c'est peut-être un peu un point négatif pour Arsenal. Sinon, dans le match qui avait lieu dimanche le 19 entre Manchester United et Liverpool, c'est Manchester United qui a gagné chez eux à Old Trafford. Un bon match Old Trafford? Ouais, mais moi je l'ai dit avec l'accent français. Ah, d'accord. C'est à la Jean Gounel. Jean Gounel, j'aime ça. Ouais. Et Wigan a perdu 2-0 contre Manchester City et Chelsea, fidèle à ses habitudes, a planté Blackpool 4-0. Au classement, ça donne en fait que Chelsea est toujours en tête. Manchester United rejoint Arsenal avec 11 points. Et par la suite, là, ben, c'est Manchester City et Tottenham à 8 points et une trollée d'autres équipes à 7, 6, 5 points. Et finalement, West Ham United qui clôt la marche avec 1 point. On s'en va en Ligue des Champions. En fait, il n'y avait pas de match cette semaine. Ah. Donc, grosso modo, pour les matchs qui s'en viennent, là, des matchs intéressants, il va y avoir Real Madrid contre Auxerre, qui risque d'être un bon match. Le Spartak, qui a battu l'OM il y a deux semaines, va jouer contre Žilina. L'AC Milan affronte le Ajax d'Amsterdam. Arsenal affronte le Partizan. Sinon, ensuite, Chelsea qui affronte l'OM. Bonne chance à l'OM. Et puis, dans le match de dimanche, on a Tottenham contre Twente et Manchester United qui affronte Valence. C'est ce qui est pour les gros matchs. Cette semaine à RDS, oui, vas-y, samedi, on a une reprise du match entre. Pas une reprise, pardon. On a un match entre Manchester City et Chelsea dans la Ligue Barclay. Donc, ça va être juste pour être sûr, Manchester City, est-ce que c'est le club qui appartient à un Russe? Le nom m'échappe. C'est-tu. Je crois que oui, mais je veux pas m'avancer plus profondément. Je vais checker ça, puis je te reviens avec ça la semaine prochaine. D'accord, non, Ibrahimovic, c'est un joueur. OK. Mais c'est pas bien essayé. Mais je vais checker ça, je te reviens avec l'info la semaine prochaine, parce que oui, je sais qu'il y a un des clubs anglais qui appartient à un Russe qui est dans le pétrole, le gaz russe, puis qu'il leur permet d'acheter à peu près n'importe quel joueur. C'est ça. Et je crois, oui, que c'est Manchester City parce qu'ils ont changé de propriétaire il y a quelques années, puis maintenant, ils sont rendus une équipe quand même assez intéressante. C'est ça, ça n'a jamais été bon, Manchester City. Là. Ouais, non, ça n'a pas... je te reviens avec ça la semaine prochaine. OK, c'est bon. Samedi, justement, à 7h30, fait que le match entre Manchester City et Chelsea. Sinon, mardi prochain, c'est Ajax contre AC Milan à 2h30 et à 11h30. Et puis, mercredi, Valence contre Manchester United. et également Manchester United le 2 octobre, mais cette fois dans la Barclays League contre Sunderland. Donc, on va avoir en trois jours deux matchs de Manchester United. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Une bonne nouvelle du beau soccer qu'on va avoir à la télé. Pour nous, mais pour eux, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours à peu près deux matchs par semaine. C'est juste que là, ça donne qu'on les voit. Parce qu'il y a souvent... c'est sûr que... À peu près toutes les équipes jouent dans deux séries en même temps. Donc, ils jouent environ à peu près ça, deux matchs par semaine. Ça peut aller à un, ça peut aller à trois. Jusqu'à temps que tu te fasses éliminer. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'imagine qu'un club comme, mettons, West Brom. West Brom joue moins à l'année, tu veux, que Manchester United ou que le FC Barcelone. Manchester United, juste dans la Premiership, bon, vont avoir leur Premiership, vont avoir la Coupe des Champions, vont avoir la League Cup, vont avoir la FA Cup. Ils vont avoir aussi beaucoup de joueurs qui vont être en sélection nationale. Donc, au bout de la ligne, ça te prend des gars qui sont capables d'endurer un tel rythme. Ça se peut-tu qu'un joueur qui soit acheté et qui n'est pas capable de suivre le rythme devienne un flop? C'est plutôt rare parce que, contrairement, mettons, au hockey, tu n'échanges pas un joueur contre un choix de repêchage. Il y a moins de possibilités de flop. Donc, tu achètes un joueur. Si le joueur t'a coûté 10 millions, c'est un flop s'il ne fournit pas. Ouais, mais tu n'auras pas payé un joueur qui va flopper. Là. Tu comprends? C'est très rare qu'un joueur flop. Là. Les mauvais investissements au soccer sont assez rares. Quand tu as l'argent pour t'investir un joueur à 10 millions pour 2 ans, c'est à 5 millions par année, c'est un joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas une super vedette. Okay. Tu sais, comme tu vas voir Ibrahimovic qui vient d'arriver à Milan, qui va rejoindre Ronaldinho, là, un peu. Là, tu sais très bien que Ronaldinho et Ibrahimovic ensemble, ça floppera pas. Okay. Donc, j'imagine que ça doit arriver, mais c'est plutôt rare. On va du côté de l'Impact, officiellement qualifié en série, donc va pouvoir tenter de sauver son titre. C'était un peu comme ça l'an dernier. On s'était pas que l'on était rentré par la porte de l'arrière. Exactement. Et si Gerba continue de la façon dont il a fini la saison, bonjour le championnat. Tu penses que... Écoute, 19 points en 5 matchs. Je veux bien, là, mais j'imagine surtout avec le style de soccer en Amérique du Nord que la couverture va être un peu plus solide sur Gerba. Oui, mais non. Okay. Parce que bon, la couverture est là, mais t'as pas la pression que tu peux avoir avec l'Impact là, que tu peux retrouver, ne serait-ce qu'avec les Alouettes. L'Impact, quand le match est diffusé à Radio-Canada sur le web, la pression dans les adversaires, je te parle de la pression sur le terrain. Tu veux dire la pression sur le terrain directement sur le joueur, je pensais que tu parlais de pression médiatique. Non, pas la pression médiatique. C'est le mot à la mode. Je veux dire, Gerba a joué à MLS, puis il a joué en Norvège, ou du moins... Tu peux difficilement cibler un joueur puis le retenir, le contenir pendant tout un match. Okay. Au soccer, il y a un paquet de stratégies possibles qui font en sorte que tu vas libérer ton joueur. Tu crées un faux hors-jeu. Exemple, un joueur qui décolle, ça amène un défenseur avec lui, puis là, tu as ton joueur qui pourrait être Ali Gerba qui rentre dans le centre, qui se libère. Tu as un paquet de possibilités comme ça qui font que tu viens à être capable de faire bouger la ligne de la défensive, puis là, tu peux libérer des joueurs. C'est très rare que tu vois du man-to-man, si tu veux, au soccer, surtout rendu à ce niveau-là. Ça va arriver en défensive quand l'attaque est bien installée, mais c'est plus rare. Je voulais te parler aussi des Patriotes. Vas-y, j'en ai parlé au début d'émission. Ouais, c'est ça, mais je me suis dit que t'en avais sûrement parlé, mais je suis allé au match vendredi. Et puis, des petits commentaires comme ça que je vais me permettre. Je voulais t'en parler. Je voulais ton analyse du début de saison, surtout des gars. Les filles, c'est assez catastrophique. C'est ça, je vais commencer avec les filles. Un bon bassin de joueuses. Okay. Les filles ont un bon talent, mais c'est il reste à travailler un peu le positionnement puis les one-touch. C'est-à-dire que tu reçois le ballon, il faut qu'il reparte tout de suite. C'est pas de te le mettre sur le pied gauche, le rechanger de droite, te lever à la tête, regarder si le trèfle est là, puis faire ta passe. C'est tout de suite, c'est one shot, il faut que tu saches où tes joueurs sont. Ça, c'est un travail à faire avec du côté du coach, Justin Tapsoba. Puis le connaissant, je suis persuadé qu'il va y arriver de façon très efficace. Donc, je pense pas que les filles vont continuer de poireauter comme ça bien longtemps, parce que les filles sont bonnes. Il y a vraiment un bon talent. Puis il reste juste à mettre une cohésion, okay. C'est ça, dans l'équipe. Du côté des gars, écoute, vendredi dernier, j'ai travaillé un an et demi pour les Pats, puis j'en ai vu des matchs de soccer, puis j'ai vu le plus beau match des Pats que j'ai vu de ma vie. Sherbrooke n'a pas été là pantoute de la première demi. De la première moitié de la première demi, puis les Pats en ont profité pour mettre 3 buts. Par la suite, Sherbrooke est un peu revenu dans le match, un peu plus tenté de mettre de la pression, mais la défensive des Pats, sublime. Deuxième demi, excellent, impeccable. Les Pats se sauvent avec une victoire de 3-0, pleinement méritée. Le premier but, là, d'ailleurs, magnifique, de la tête. Génial, une vraie belle bine dans la lucarne, c'était magnifique sur un corner. Et j'ai aussi le grand numéro 15 là, dont j'ignore le nom, là, dont je me souviens pas son Attends, nom. Attends, je vais essayer de te dire c'était ça. Capable de me trouver ça, qui joue en fait demi. Quel joueur, un bon bouleur, tu sais, vitesse, grosseur, a pas peur de Vedran Fuster. Exactement. Il a compté un but, là. Oui, oui, il a compté le deuxième, justement, dans la surface, en plein milieu de la circulation. Le bon pied au bon moment, il est très rapide, revient en défensive, fait des belles offensives aussi. Vraiment un joueur qui m'a impressionné. Une belle, belle, belle brochette de joueurs cette année avec les Pats. Puis ils ont fait match nul 0-0 contre l'UQAM dimanche. En plus. Donc, mais l'UQAM, ils n'ont pas bien là, cette année. Là. Non. Vraiment pas bien. Mais écoute, on peut profiter qu'à Sherbrooke, ça va pas bien, qu'à l'UQAM, ça va pas bien, qu'à l'UDM, c'est coussi-coussa pour se hisser un peu derrière rue Laval, ben why not? Ah oui, ben écoute, on est à 1 point de McGill, 2 points de Montréal. Comme je disais tantôt, c'est sûr que McGill a un match en main, mais bon, ça a changé. Nul. Écoute, McGill, leur prochain match est contre l'UQTR, donc ça peut être un match assez décisif. C'est ça. Déjà, en début de saison, ça va être un match important. D'accord. Et que c'est ça. On va à une pause. Au retour, No Use for a Name. Et ensuite, JP nous parle de football d'autre sorte. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. Vous avez l'œil tweet, moi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends tweet, moi. Écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. See, 1 million words can't describe how it feels to know your love. Where did I go wrong? I should have told you from the start that I'm closer than you think when we're apart. Nothing that I've tried is as simple as this time. nous insulte? Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. No Use for a Name avec la chanson International You Day. On rentre maintenant en onde, on le rentre plutôt en onde, devrais-je dire, avec JP Grenier. Ça va bien, JP? Salut les boys. Salut, JP. Yes. Hey, tu vas nous parler de football, la saison est partie, là. La saison est partie pour de bon. D'ailleurs, ouais. On commence à avoir de la température de football à l'extérieur. Oui, l'automne, la plus belle saison pour les sports, avec tous les sports qui sont en marche. Ben oui, je checkais ça, justement, hier, c'était vraiment tous les sports, hein, l'automne. C'est la fin de la F1, la fin du baseball, le début du foot, le début du hockey, le début du basket, le milieu du soccer, tout est là. Tout est là, c'est la rentrée. Ouais. Yes. Puis tantôt vous parliez du mini-pot, ça me fait rire parce que à Saint-Hyacinthe, l'été, à tous les mardis, tous les gros noms sont là. Là. Carl Camoni, Sylvain Caz, sont tous là, ils ont leur ligue. Puis moi je travaillais dans le temps juste en face à l'épicerie. Puis durant nos pauses, on allait voir les gars, en tout cas, ils sont vraiment bons. Ah, du talent, hein? C'est assez. On n'est pas proche de ça, nous autres, là. Ah non, écoute, je vais jouer au mini-pot une fois de temps en temps l'été, là, avec des chums, puis quand on fait moins 5, moins 6, on est heureux, c'est 18. Écoute, eux autres, ils jouent à peu près ça, moins 18, là. C'est à peu près un birdie à tous les coups, là. Ouais, c'est pour ça que cet appel à la joie de Serge Lemain, c'est devenu aussi populaire aussi. Ouais. Tu sais, part, ça se crie moins bien. Ouais, c'est. Ça s'échappe. Hey, vas-y, fais-nous plaisir, JP. Bon, good. Je vais commencer par le football canadien universitaire. Donc, on sait que la semaine passée, c'était la fameuse semaine avec tous les matchs contre les Maritimes, excepté un, qui était McGill contre Concordia pour la Schaffnessy Cup. Comment? La Schaffnessy Cup. Schaffnessy? Ouais. Vas-y, OK. Donc, OK, donc c'est le match que j'ai retenu parce que ça a été le plus excitant, puis il y a beaucoup de faits saillants dans le match, donc je vais y aller. Parce que les autres matchs, ça a tout fini par des victoires par les équipes québécoises, avec des matchs un peu... On domine, hein? On domine, c'est solide. Ah, le match de McGill, ça en était un peu plate à regarder. Donc, Laval, excuse-moi. Le match de Laval, OK, ouais. OK. Donc, McGill, ça a fini 34-29 pour Concordia dans un match très serré. Les faits saillants, t'as Chris Robinson pour Concordia qui a donné la victoire à son équipe avec un retour de beauté de 62 verges. Bon, ça. Le gros match du jeu, ça a été Carl Smith qui a intercepté McGill à la ligne de 1 quand il restait 20 secondes seulement au match. Donc, un joueur jouant sous la pression et performant, ça, c'en est un. Sinon, du côté de McGill, t'as Charles-Antoine Sinotte qui a été encore excellent avec 8 balles attrapées pour 54 verges. Sinon, du côté de Concordia, le meilleur receveur, c'était Liam Mahoney, l'excellent vétéran là, qui est de retour encore cette année. Ça fait combien de temps qu'il est là, Liam? C'est sa cinquième année. OK, là. Il est à la fin. Là. Okay. C'est sa dernière année. C'est lui qui a mené le match avec, dans le fond, 9 attrapés pour 122 verges et un touché. Sinon, t'as Austin Anderson, le fils du batteur de la NFL, Gary Anderson, oui. Qui est allé d'une performance de 608, qui a marqué 19 des 29 points des Redmen, donc c'est excellent dans son cas. Depuis le début de sa carrière universitaire, dans le fond, de plus de 40 verges, il est 8 en 10 à la date, donc un des meilleurs batteurs de la Ligue avec Christopher Milo à Laval. Sinon, le joueur du match, ça a été Jeff Thompson, de Concordia, c'est le premier joueur de l'équipe à retourner, dans le fond, un retour de beauté sur le premier jeu du match. Puis, en plus, le plus long de l'histoire, c'est un retour de beauté de 102 verges. Au total, dans le match, 223 verges pour les retours de beauté, ce qui est énorme. En plus de faire sur les unités spéciales, 4 plaqués, puis il a recouvert un échappé de ballon. Donc, une grosse game pour ce gars-là. C'est le fun d'avoir des joueurs de McGill se démarquer une fois de temps en temps. Sinon, dans les autres matchs, des matchs sans soir, comme je vous ai dit plus tôt, là. Deux secondes, ça va. Ben, tu sais, on peut dire que Laval a enfin pris sa revanche sur St. Mary's. Oui, leur rivaux de toujours. Ça a été un match même pas serré, 45-7. Ah, c'était à sens unique. Ça en ouais, était... c'était à sens unique, mais c'est ça que je disais tantôt. C'est ça qui en était quasiment en plate. C'était, je pense, 37-0 à demi. Sauf que St. Mary's a, enfin, comme Laval a vengé sa défaite de v'là 2 ans, il me semble, ouais. contre St. Mary's. Donc, c'était... Non, c'était pas l'an passé, c'est v'là 2 ans. Donc, v'là 3 ans? V'là 2 ans, je pense qu'ils ont gagné. Ouais, v'là 3 ans. Donc, contre St. Mary's, qu'ils avaient empêché de gagner, de se rendre à la Coupe Vanier. En plus que c'est à domicile que les Huskies ont perdu, donc c'est doublement une défaite qui fait mal. Ça fait mal, exactement. Sinon, les Gators ont gagné contre les X-Men d'Acadia. Les Carabins ont gagné 27-10 contre les X-Men de Saint-François-Xavier. Puis finalement, le Roger Hall qui l'a emporté facilement 44-10 contre les Mounties de Mount Allison. Sinon, les matchs à l'affiche cette semaine, là on revient plutôt au match traditionnel. Avec les Stingers contre les Gators, le Royal qui visite le Rouge et Or et les Carabins qui visitent les Gators. Donc, ça va être tout pour le football universitaire canadien. Lance-moi ça pour les Américains. Les Américains, j'ai retenu 3 matchs à l'affiche qui vont être intéressants. Tout d'abord, Alabama, qui a une cédule très difficile, va rencontrer Arkansas, qui sont très surprenants cette année. On a vu le retour de Mark Ingram, un des prétendants au trophée Heisman la semaine passée, avec une performance de 2 touchés, donc ça va bien son retour, blessure au genou. Il a prouvé qu'il était encore là cette année. Sinon, Oregon State contre Boise State. Encore là, les Oregon State sont surprenants cette année. Je pense pas qu'ils réussissent à surprendre les Broncos, mais on sait jamais. Sinon, Stanford contre Notre-Dame, un classique. C'est pas mal les deux écoles, là. Les grosses écoles. Qui, côté académique, sont les meilleures, excepté les équipes de Ivy League. Ouais, la Ivy League, exactement. Princeton, Yale, Harvard. Donc, ça donne des bons duels à toutes les années. Stanford qui ont remporté la victoire l'an passé. Donc, sinon, dans les petites nouvelles comme ça, il y a Alabama qui, en 2012, vont jouer au Cowboy Stadium contre les Wolverines de Michigan. OK. Je ne sais pas où ils veulent emmener ils veulent en venir avec. Pourquoi? Ça, ils veulent être en terrain neutre, sauf que je trouve que Texas, c'est un peu loin pour une équipe comme Michigan. En tout cas, Il va avoir plus. Texas vient faire là. Je sais qu'ils ont un gros stade, là, sauf que. Il va avoir plus de monde, ça, c'est sûr et certain, de l'Alabama que du Michigan. Exact. Ça sera pas vraiment terrain neutre. Non, mais dans ce temps-là, ce qu'ils font, c'est que les billets sont vendus moitié-moitié. OK. Mais il y a quoi, 80 000 places au Cowboy Stadium? 80 000 places, sauf qu'il s'agrandit à 100 000. OK. Plus les sièges d'or. C'est quoi, les gens amènent leur... dans le stade, les gens peuvent l'agrandir à 100 000. Les gens amènent leur chaise de parterre, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne suis jamais allé, Nick, mais... Bonne réponse, JP. Sauf que c'est ça, le stade il peut s'agrandir à 100 000, sauf qu'on sait que d'un stade collégiaux de même, ben oui, il y en a des pas mal plus gros que ça. C'est ça, en plus. Ben, c'est sûr qu'il y a bien de la loge, puis il y a... Je sais pas, là, je sais pas quoi dire. Alabama, pourtant, un beau stade aussi. Ben, on sait que le stade, il a comme accueilli plusieurs matchs là, l'an passé, dont le Big 12 Championship Game. Ouais, ça, je comprends. Le Big 12, c'est la région, ouais. Le Texas... Oklahoma, Colorado, tout le sud-ouest des États-Unis, c'est correct, ça. Aussi TCU, qui est une université du Texas, mais ce qu'un duel Alabama-Michigan fait là, je le sais pas. Ça, non plus, ce que je pourrais hâte de savoir, c'est qui va être à domicile. Ils le disent pas, donc... écoute, même si Alabama sont à domicile, je vois pas pourquoi faire ça là. En tout cas, c'est intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je vois pas l'utilité. Je comprends pour d'autres matchs, mettons, entre Florida State puis Georgia, qui vont jouer, mettons, à Jacksonville, au stade des Jaguars, ou encore au Georgia Dome. Ça, je peux comprendre. Mais celui-là, je le trouve bizarre. Parce que ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il sait pas la vente des billets en deux. Ouais, non, comme sûr, que ouais. Tu vois des matchs de championnat... ou que c'est encore en terrain neutre, parce que, fait à noter, là, ça, les bowls ou les matchs de championnat, c'est jamais dans le stade des locaux. Ouais. Donc, c'est pas les billets en deux. Fait que c'est sûr qu'ils vont ramper leur stade. Puis Michigan, ils ont des fans de toute façon dans tout le pays. Donc, je sais que Jerry Jones n'aura pas de la misère à remplir son stade, mais pourquoi faire ça là? On va peut-être en savoir plus dans les prochaines semaines. D'accord. Donc, c'est pas mal tout ce qui se passe dans le monde du football universitaire cette semaine. OK, moi... Le classement reste le même, là. Ouais, vas-y donc, t'es-tu quand même me défiler ça, ou... Ouais, c'est Alabama, t'as Boise... Alabama, et Ohio State et Boise State, troisième, les Broncos. D'accord. Hey, on va parler de football local ici. À Trois-Rivières, dans le fond, tu sais que les Diablos, vous avez une bonne petite équipe, vous autres, dans votre coin, hein? Les volontaires, du football 2A, collégial 2A. Collégial 2A. Donc, les Diablos aussi? Oui, exactement. Donc, ça change pas. Ils s'affrontaient la semaine dernière. Donc, c'est un peu toi contre moi. Et ça va pas bien pour les Diablos, c'est disons-le. Ça va vraiment pas bien. Ils se sont inclinés par la marque de 36-12 contre une équipe des volontaires qui a gagné les trois derniers balles d'or, mais qui cette année est pas oui. Ben parce que tu t'en vas en commençant ta phrase en disant comme une équipe des volontaires. Bon, oui, a gagné les trois derniers balles d'or, je trouvais ça un peu. Laisse-moi terminer. Oh, ouais, non, mais c'est ça, je rigolais avant la fin. D'accord. Donc qui cette année est pas il y a peut-être des choses qui sont encore à travailler chez les volontaires, qui ont tout de même une fiche de 3-1. Qui l'ont échappé en début de saison. Mais là, les Diablos, de leur côté, le Diablos qui était un des programmes les plus prestigieux dans les collégiales 3A au Québec il n'y a pas longtemps, sont maintenant 0-4 à date dans l'année. Ils ont peut-être des chances contre les Highlanders ou encore contre les Cavaliers du Collège Champlain. Ils ont des petits programmes qui viennent de commencer. Ben oui, qui viennent de commencer. C'est un peu comme Victoriaville, là, les Vulcains, que ça va pas bien non plus là, depuis quelques années. C'est difficile. À Trois-Rivières, JP, le monde commence à cette année. Moi, ce qu'on m'a dit, j'ai parlé avec des gens de Sherbrooke qui me disaient ça. Ils disent, écoute, les Diablos sont le plus beau stade de la Ligue. Des nouveaux uniformes, plein d'autres affaires, des beaux vestiaires. Le problème, c'est que l'argent n'est pas mis à bonne place. Chez les Diablos, on n'a pas d'entraîneur à temps plein. C'est-à-dire un entraîneur qui gagne sa vie en coachant les Diablos. Là, c'est sûr que ça chiale beaucoup contre l'entraîneur présent, Martin Croteau. Mais le problème, c'est que les Diablos, eux, ont un entraîneur à temps plein. D'autres clubs ont un entraîneur à temps plein. On est rendu où est-ce que le football, contrairement à v'là 15 ans, est rendu assez performant pour... Tu sais, t'as pas le choix. Son propre coach. T'as pas le choix d'avoir ton propre coach. Qu'on va payer, je sais pas le salaire que ça peut faire, mais ça doit s'équivaloir un peu au salaire d'un professeur. Ma question ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt à ce que les cégeps, tout ça, payent un coach en se disant comme philosophie, il est comme le professeur d'à peu près 60 jeunes. Plus écoute, ceux qui vont aller nous chercher. C'est une bonne idée, là. Parce que c'est pas mal ça en étant deux fans de sport, vous allez d'accord avec moi, mais est-ce que c'est temps que les institutions scolaires, comme aux États-Unis, investissent de l'argent là-dedans? Ben moi, oui. Je... Puis ce que je trouve dommage, c'est que souvent, c'est des entraîneurs. Le football, j'ai jamais joué, honnêtement. Je connais un peu moins ça, sauf qu'au hockey, c'est tout le temps la même chose. Roger, le père du Kevin, qui coach. Je sais qu'au football, c'est pas comme ça. Non, la progression du football. Ce que je trouve dommage, c'est que t'as tellement de kinésiologues, de gars qui sortent d'université, qui ont pas de job, pourquoi pas leur donner à eux? T'es garde, le cégep, là, c'est comme payer, comme tu l'as dit, c'est l'exemple parfait. Payer un professeur de plus. Ouais, OK. Moi, c'est surtout que, d'accord avec ça. C'est surtout que c'est pas... C'est pas une dépense, là. C'est un investissement, coach de football. C'est ça. C'est les retombées que ça va avoir sur ton programme sportif dans l'ensemble sont assurées. Et si l'ensemble de ton programme sportif a des retombées positives, ça amène des retombées positives à tout ton établissement. Parce qu'on s'entend que la meilleure visibilité qu'un établissement d'enseignement peut avoir en dessous de l'universitaire, c'est ton programme sportif. Oui. Tu sais, on parle des Spartiates du Vieux-Montréal. Parle-moi d'un des programmes qui est enseigné au Vieux-Montréal. Aucune. Grève 101. Oui, Grève 101 est enseigné. OK, mais si je te parle des Spartiates, tu sais c'est quoi? Ah ouais. Tu sais que Marc Santerre les a entraînés, qu'ils ont eu bien du succès, que là, depuis un petit bout, ça va un peu moins bien. Mais je sais que c'est un programme sportif. Tu sais, c'est pareil pour la plupart des écoles. Écoute, les Diablos qui étaient la renommée, là, sont... Puis écoute, leur stade, tu l'as vu, le stade, il est beau, Il est incroyable, le stade. T'as pas un stade plus beau que ça de cette capacité-là, 2000 places, au Québec. Puis surtout que on s'enligne vers, entre autres avec ce qui se fait aux estacades, avec un développement d'établissements sportifs intérieurs comme extérieurs de renom au Québec. Puis là, ce qui devrait nous amener en temps normal du football dans la région ne performe pas. Fait que, oui, je pense qu'on en est rendu à la croisée des chemins, mais à savoir, il faudrait payer un entraîneur de football. Mais là, est-ce que c'est des règlements d'établissement? Est-ce que c'est des règlements de cégep, par exemple, qui empêchent ça? C'est à voir. Parce que là, c'est ça, le coach Croteau, lui, à Trois-Rivières, j'imagine qu'il doit avoir un emploi, une famille. Oh, mais c'est parce qu'il coach l'ensemble des. Ouais, mais il coach l'ensemble des Diablos. Okay. C'est le coach des Diablos. C'est pas juste le coach des Diablos football, mettons. Tu veux dire, il coach le basket, tout? Ben, j'ai l'impression, oui. Je pense pas, non. Parce que non? Là, c'est ça, là. Non. Lui, il a pas le temps pour recruter les jeunes. C'est ça, il est à temps partiel. Fait. Puis, le cégep, de toute façon, cet argent-là pour recruter du monde, il va le mettre ailleurs. Fait que pourquoi pas concentrer tout sur le même homme qui va vraiment se donner à temps plein. Ça va être son emploi. Un de mes amis, lui, est entraîneur associé avec les Cougars du Collège Champlain à Lennoxville. OK. Puis lui, c'est un étudiant à l'université, mais il est coach des demi-défensifs. Puis c'est ça qu'il disait, là. Lui, l'entraîneur là-bas, là, c'est sa job. Il est là 40 heures par semaine, ben sous son payroll. Puis dans le fond... les heures d'over qu'il fait, tu sais, il compte pas ça, sauf que le gars, c'est sa passion, il aime ça. Ça dérange pas de faire des heures supplémentaires d'auto. Oui, c'est bien beau, mais c'est qu'à un moment donné, le bénévolat, ça peut t'amener à quelque part, mais pour passer au prochain niveau, c'est-à-dire maintenant, plus juste être le leader, juste compétitionner dans la Ligue 2A, pas 3A, là. 2A, t'as pas le choix d'avoir ça. Parce que c'est ça, tu sais, l'entraîneur, oui, il est payé 40 heures, mais si des gens qui sont passionnés. Regarde, les gars, en vérité, lors d'une saison, vont faire des 70-75 heures par semaine. Un coach de football, c'est tout le temps en train de travailler. Il va quasiment dormir, là, s'il veut que son équipe soit sérieuse. Le problème, c'est que quand t'es à temps partiel, t'as pas le choix d'avoir un autre job. Puis souvent, ces gars-là, c'est pas des gars de 22 ans. Ils ont des familles, puis... toujours mon exemple du collège Champlain. Écoute, c'est un collège anglophone. C'est déjà difficile d'attirer des joueurs. C'est sûr que là, l'équipe est bonne, le collège s'est fait une notoriété. Ouais. Sauf que c'est pas aussi facile que, par exemple, Vieux-Montréal, que... Ben, qu'il y a un bien plus gros bassin de joueurs, Vieux-Montréal. Exactement, c'est ça, là. Des fois, il faut qu'ils se rendent... ça arrive nord de Montréal, à Laval, c'est de l'essence. Puis, écoute, c'est déjà pour... En tout cas, il y a des places que je trouve ça trop cher personnellement, puis l'argent est très mal investi, là. Je reviendrai pas encore là-dessus, là, sauf que... Non, c'est, regarde, les Diablos, puis moi, je me souviens que peut-être le 6-7 ans, j'étais au secondaire, ce qu'on entendait parler du football collégial québécois, c'était, t'avais les Spartiates du Vieux-Montréal, t'avais Vanier, puis t'avais les Diablos, qui étaient comme la grosse équipe dans le 2A. Ouais. Je sais pas, écoute, je suis pas de la région, je pourrais pas te dire quand est-ce que les Diablos sont descendus dans le 2A, mais ça veut dire qu'on était déjà pas compétitifs dans le 3A. Il me semble que ce que tu veux, c'est... Oh boy, attends une minute, on est obligé de descendre dans le 2A. Là, on va mettre les efforts nécessaires pour remonter dans le 3A. Là. Moi, j'aurais eu un plan de 5 ans, mettons. 5 ans qu'on fait ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi? C'est beau, on a ciblé, pas besoin de commission d'enquête. Là. Ouais. Mais deux gars... Moi, il y a un argument qui est sorti que j'achète plus ou moins, en fait. C'est celui qu'il n'y a pas de football universitaire dans la région. Donc, en fait, que les joueurs viennent pas parce qu'ils peuvent pas poursuivre dans la région. J'ai de la misère avec ça, moi, parce que les Diablos étaient de renommée au moment où il n'y en avait pas de football à Trois-Rivières. Le football des Patriotes, là, ça fait depuis les années 80 qu'il n'y en a plus. Fait que, en même temps, excuse-moi de te couper. Non, vas-y, Jimmy. Laval, c'est pas si loin que ça de Trois-Rivières. Ben, c'est ça, c'est ça. Au milieu de tout, ça me prend 1 heure et demie. C'est en plein ça, c'est que ça empêche rien de venir faire ton développement ici, collégial, puis d'après ça, être recruté partout. C'est ça, comme tu dis. Et toutes les universités sont à portée de main. Tout est à 1 heure et demie de ça. Tu sais, que ce soit même Québec, Montréal, Sherbrooke, on est tous là. Il y a des gars des élans d'FX Garneau à Québec qui vont jouer chez les Carabins, puis t'en as du Vieux-Montréal qui vont jouer à Québec. C'est ça. C'est pas vrai là qu'à Trois-Rivières, parce qu'il n'y a pas de football universitaire, les gens n'iront pas là. Là. Mm. Ou comme du moins, c'est pas on c'est pas l'air d'avoir un beau stade, des uniformes neufs. C'est-tu vraiment ça le plus important? Ben, le problème, c'est ça, c'est une belle carte de visite, mais c'est pas de même que tu fais du recrutement. C'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Faut que tu dises, faut que tu arrives chez le jeune et tu dis, nous, on peut t'apporter ça, ça, ça, ça, ça. Ça marche de même. On peut faire ça pour toi. Puis c'est ça qu'on fait mieux que telle autre place, telle autre place. Mais ça, le jeune, faut que j'aille le voir quand il est en secondaire 4. Faut que j'aille le voir quand il est en secondaire 5 aussi. Faut que j'aille le voir plusieurs fois parce qu'il m'intéresse. De tous les jeunes qu'un entraîneur va aller voir, il y en a quoi? 10% qui vont signer avec lui? À peu près. Parce que je vais vous donner un exemple d'une comparaison. C'est sûr que, excluons le fait que les Spartiates sont dans le 3A, là. T'as le coach des Spartiates du Vieux-Montréal qui vient de voir. Hey, Nicolas, est-ce oui? que ça te tente de venir jouer avec nous? Montréal, c'est une belle ville. Il y a des bars en masse, des beaux restaurants. Tu vas pouvoir te trouver un emploi vraiment facilement. C'est sûr qu'il y a des hippies dans notre cégep, mais ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il faut faire avec. Puis, t'as l'autre. À Trois-Rivières, tu dis, ben, viens, qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Ben, on n'a pas beau, de hippie. Tu sais, on a un beau stade. On n'est pas à grève. La région trifilienne, c'est une belle région. Tu sais, plein d'affaires dans la main. Mais là, là, l'autre, qui a beaucoup plus de budget. Tu sais qu'il va amener une équipe solide sur le terrain. En plus, il promet une place sur l'alignement, mettons, là, c'est quoi? C'est 3 ans quand le cégep? 3-4 ans, ouais. Bon, mais mettons, dès la deuxième année, tu me dis, c'est sur mon alignement. Ah, mais ça, c'est des choses qui sont faciles à dire, mais écoute, je vais citer le joueur, je vais taire son identité, par contre. Mais ce qu'il m'a dit, il dit, gars, c'est pas compliqué, là. Te faire recruter en te faisant dire, écoute, à Trois-Rivières, la bière est pas chère. Je dis pas que c'est ça qui a été dit, là, mais il m'a dit quoi, il dit, gars, ça ressemble à ça, se faire dire là puis ailleurs. Elle m'a dit, c'est pas Trois-Rivières, lui, c'était plus Victo qui s'était fait dire ça, mais faire recruter en disant la bière est pas chère, c'est une place de party, comme ça se faisait là, une couple d'années, ça marche plus comme ça. C'est gars, attends une minute, lui il me dit, gars, il dit, je vais étudier, je vais aller à l'université, puis tout, là. J'ai pas le goût d'arriver à une place où le party, on va être tout le temps sur le party, là. Qu'est-ce que ton éducation peut m'amener? Qu'est-ce que si? Puis le coach, ben, gars, il est venu me voir 10 fois dans l'année pour essayer de me voir. Tandis que le coach des Avions, c'est peut-être venu 3 fois parce qu'il n'y a pas le temps d'aller plus loin, ouais, souvent que ça. C'est ça. Puis en même temps, je veux dire, la région. De par la proximité avec l'UQTR, OK, oui, il n'y a pas de développement, au niveau football universitaire, mais t'as les Kiro qui sont là, qui t'as Kinesio, t'as des gros programmes, t'as le CAPS, t'as le Alphonse Desjardins, Puis dis-moi, c'est dans 3 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est ça. Même à ça, ça va-tu dire qu'ils vont faire une carrière universitaire au football? Non, c'est ça. Si c'est un bon athlète, habituellement, il va être bon dans tout. Là. Ouais. Hey, c'est ce qui conclut. On va arrêter ça là. Écoute, mais je pense que le constat est évident de la part de tout le monde ici. Ça prend un entraîneur à temps plein, du moins payé à temps plein. Chez les Diablos, ça va peut-être changer beaucoup de choses. On veut voir un peu de... On veut que les gens et les anciens du programme soient très fiers de celui-ci. Ben, si aussi on veut que la pression vienne de la masse pour avoir, exemple, un football à l'université. Donc, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez nous visiter, c'est le www.inconduitedepartie.com. Pour Philippe Doucet, Pierre-Luc Giroux qui est plus là, JP Grenier et Jonathan Bernier qui s'est joint avec nous ce matin. Je suis Nicolas Duchamp. On vous souhaite une bonne semaine. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières et défoncer les portes de leurs semelles cloutées, prétextant la défense des droits et libertés.